12-30, activation orale, partir, présente l'indicatif. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Tu es pressé? Et vous répondez. Oui, je pars tout de suite. Allons-y. 2. Mireille est pressée? Oui, elle part tout de suite. 3. Les bélos sont pressés? Oui, ils partent tout de suite. 4. Vous êtes pressés, vous deux? Oh oui, nous partons tout de suite. 5. Tu es pressé? Oui, je pars tout de suite.